Comme à chaque semaine, après la première pause, eh bien, c'est tout simplement le commentaire de disque de la semaine. Commentaire de disque que vous pouvez lire sur les sites de Centraure, www.centraure.qc.ca, le québecpop.com, ainsi que sur ma page Facebook de Canrock, CAN-ROCK. Cette semaine, un très bon album, De la rivière à la mer. Deuxième opus pour le duo Geneviève et Alain, De la rivière à la mer est un univers folk acoustique qui nous entraîne dans cette bulle mélodique qui transporte le fruit de deux plumes en parfaite symbiose. De la rivière à la mer, qu'on va entendre dans quelques instants, eh bien, c'est la première plage de cet album-là et ça nous dresse dès le début une belle continuité avec le premier disque. Nous sommes charmés tout au long de cet album par la force des mélodies folk. La réalisation a été donnée à Carl Bastien qui, lui, y ajoute un peu de pedal steel et de clavier juste pour bien peaufiner un produit déjà près de la perfection. C'est un oasis musical qui nous livre de superbes textes qui nous interpellent. Vraiment un très bel album. Je vous invite à le faire un tour, bien sûr, soit à l'APCM, www.apcm.ca, ou encore le www.grb-ab.com pour découvrir cet univers-là et mettre la main sur ce disque. On va y aller, comme je vous disais, avec la première plage de l'album, qui est la pièce-titre, De la rivière à la mer, dresse bien l'image ou le son folk qu'on retrouve sur cet album-là. Album du duo Dans la vie comme sur la scène, Alain Barbeau et Geneviève Bouchard. Donc voici De la rivière à la mer. J'ai pris la route vers la rivière. Le sentier qu'on empruntait tous les deux. Je revois les traces de mon grand-père. Revois le bonheur dans ses yeux. Il m'avait fabriqué de ses mains un petit voilier qui flottait dans le lavabo. Le large au matin. Cette fois, il a fait le grand saut de l'Outaouais jusqu'à l'autre bout de la terre. Il y a un peu de nous qui traverse les frontières. Le courant nous portera, mais de la rivière. Partir au loin pour le plus grand des voyages. Ils se confondent de dos qui s'évapore jusqu'au nuage. Et sous la Il y a quelques pièces qui m'ont beaucoup touché sur cet album-là, entre autres celles qu'on va entendre dans quelques instants. Des nouvelles de toi est selon moi le plus beau texte de l'album. Un énoncé sur l'écoute, le support, l'accompagnement, des gestes qui se perdent de plus en plus à l'ère des médias sociaux. Ce texte est déposé sur une des plus belles trames country folk de l'album. Pour une variation sur le même thème, il y a « Solitude » qui est une berceuse pour l'âme. Il y a aussi « Sans que » qui est un autre excellent texte sur la routine versus le moment présent, déposé sur une trame folk un peu à la Fleetwood Mac. Je ne sais pas si c'est voulu, mais c'est réussi. Geneviève nous pose une question existentielle de façon vraiment charmante avec un autre excellent extrait qu'on va entendre en fin de commentaire, « Qui je suis ?» qui est une belle plage radio et le duo de la région de la Capitale-Nationale nous offre également deux instrumentales, Rivage et Moonbeam. C'est vraiment très bien fait. T'habites dans un sous-sol, loin de ton X, tu manques de lumière. Dans ta vie que tu te bricoles, les cadres que tu fixes sont à l'envers. Tu bois et tu boucanes, tu fais tout pour effacer ta vie entière. Tu as le cœur en panne, les peaux que t'as cassées prennent la poussière. Ne t'en fais pas, ce n'est que moi. C'est moi qui sonne à la porte, je prends des nouvelles de toi. Je voudrais t'as vidé sur tes deuils pendant trop longtemps. La nuit portera conseil et demain tu ouvriras l'œil en regardant devant. On nous trouve sur ta boussole, le nord que t'as perdu dans tes déboires. Que tu te consoles, ton reflet est revenu dans le miroir. Ne t'en fais pas, ce n'est que moi. C'est moi qui sens. Je voudrais qu'on tourne. C'est cliché, mais dans ce cas ici, c'est d'une évidence. Un deuxième disque, ça passe ou ça casse. De la rivière à la mer est une belle suite au premier disque, On est les deux. On ressent et entend l'harmonie des deux plumes qui nous rédigent des textes magnifiques. De la rivière à la mer est un bel univers folk qui enveloppe des émotions qui nous font du bien. On nous interpelle avec des thèmes comme l'écoute, l'accompagnement, le besoin d'une âme sœur. Une belle réalisation signée Carl Bastien pour le fruit de deux êtres talentueux. Découvrir ce bel univers de Geneviève et Alain en allant soit sur l'APCM, www.apcm.ca pour vous procurer ce disque-là, ou encore sur le www.grb-ab.com. grb-ab.com. Voici qui je suis, Geneviève et Alain. Tu me demanderais d'où je viens. Je te dirais qu'est-ce que tu veux dire. Je vais prendre mon temps si ça te fait rien. C'est une question à réfléchir. Quelque part entre ma mère et mon père. Comment savoir d'où je viens vraiment? Pas plus quoi te répondre. Je repenserai juste à mes valises qui se promènent entre deux mondes. Quelque part entre ici et ailleurs. Comment savoir où je vis vraiment? Tu me demanderais où j'ai grandi. Dépendait des mois. Quand j'étais jeune, j'ai pas choisi. J'avais deux maisons à la fois. Quelque part entre Québec et Mumbai. Comment savoir d'où je suis vraiment? Ah, ah, ah, ah. Je m'enfuis. Maintenant que c'est moi qui décide, je dirais que même si je suis partie, je sais pas plus où je réside. Me pèse comme un carême, tant je rêve de te voir grandir, je m'invente un fil de souvenirs. Suis-je devenue l'étrangère, un allumeur d'or réverbère, ou juste une reine en exil, dans un étang pourtant fragile? Tu es ce qui reste de moi. Tu es ma chair et mon climat. J'écris ton passé et le mien. Ce qui me reste le lendemain. alpha, mon oméga. Je suis le soir dès le matin. Tu es l'espoir, je suis chagrin. La lune revient de guerre, Manu les yeux pleins de poussière, en pleurant d'étrennes et d'étoiles, des miettes qu'on rejette aux vandales. Dans notre histoire, il y a trop de gris, des mots qui meurent d'interdit. Dans mes silences des requiem, pour meubler mes jours. Capella, le plus beau de mes arias. Quand le soir m'a vidé les mains, nos secrets dorment dans un écrin. On a commencé notre bloc de l'Est Québec-Ontario avec une chanson d'une auteure-compositrice-interprète de la région de l'Est de l'Ontario. Selon moi, une des plus belles chansons francophones que j'ai entendues. Je veux dire, c'est de toute beauté. Ça me fait penser à la chanson Concerto pour une voix de Saint-Pieux. Écoutez, c'est magnifique. Le souvenir qu'on vient d'entendre, c'est Requiem pour les jours de bohème de Janie René de l'Est de l'Ontario. Janie René qui s'étend ici est très occupée à nous proposer chaque mois une chanson franco-ontarienne qu'elle a repris à la sauce jazz et c'est assez bien réussi. Très belle chanson qu'on a entendue déjà. Celle du mois d'aujourd'hui, de ce mois ici, le mois d'août, c'est tout simplement Seul au centre-ville. On va l'entendre un petit peu plus tard au cours de la deuxième heure. C'est vraiment magnifique. C'est une auteure, compositrice, interprète jazz. Beaucoup de talent, très populaire en Europe. Et c'est vraiment merveilleux ce qu'elle nous propose. Donc, on s'est rappelé un beau souvenir. Hein? Requiem pour les jours de bohème. C'est tiré de son album Les Valises. Elle a deux albums. Puis je pense, le mois de mai, elle nous sort une chanson franco-ontarienne à saveur jazz par mois. Donc, très beau projet qu'elle nous propose. On va poursuivre avec deux autres jeunes auteurs, compositrices, interprètes qui me fascinent énormément. J'adore leur voix, j'adore leur univers, j'adore leur énergie et c'est des filles très sympathiques. Je parle bien sûr en premier lieu de Céleste Lévy. Moi, j'adore cette chanson-là. C'est pas l'extrait qu'on nous propose. Le nouvel extrait, c'est « Laissez aller ». Mais je vous propose aujourd'hui, sur les ondes de votre radio, tout simplement « 100 ans ». 100 ans, ça parle un peu de sa maladie qu'elle a eue lorsqu'elle était adolescente. Écoutez, le texte, c'est vraiment magnifique, c'est de toute beauté. Et vous allez voir, très belle mélodie également. Et elle a une très belle voix, Céleste Lévy, 100 ans, ça s'en vient. Par la suite, on va entendre tout simplement « Sablier » du premier EP de Marie-Claude. Ça aussi, c'est une de mes chansons préférées en Ontario français. Et Marie-Claude, elle a une voix là, magnifique, très sympathique comme femme et très belle énergie sur scène. On va l'écouter dans quelques instants. Mais pour l'heure, voici « 100 ans, Céleste Lévy ». J'ai eu 100 ans pour mes 13 ans hier. Peu de cheveux blancs et je vois clair. Une enfant centenaire, ça ne se voit pas. J'ai eu 100 ans pour mes 13 ans. Ce corps prisonnier, un guerrier solitaire dans ce combat. Où est passé le temps où tout semblait facile, où les mauvais tournants se soignaient de bisous fragiles. Est-ce juste moi, ou plus les saisons passent, plus elles me retiennent en attendant? J'ai eu 100 ans pour mes 13 ans hier. J'ai peut-être trop voulu grandir. J'ai eu du mal à me retenir. Ça ne se fait juste pas. J'ai eu 100 ans pour mes 13 ans. Où les mauvais tournants se soignaient de bisous fragiles. Est-ce juste moi, ou plus les saisons passent, plus elles me retiennent en attendant? terre s'écroulera. Secoue-moi dans un tourbillon de toi. Dans le Sahara. Whoa, oh.